Les Anglais ont rien à foutre du français comme tort. Moi j'utilise Google Traduc, c'est quoi ce truc? Parce que c'est plus pratique et bruel. On dit que les meilleures idées sont les plus faciles d'approche. Et la finantise, je tease. Parce que la langue du français à l'anglais sont basiques. Je n'ai pas vu mes professeurs cette année-là. J'ai que le score, j'ai le level. Mes notes correspondent à mon avis d'apprendre. Comme la route qui me déroute négativement. On me note comme un décompte. Motivation désaccordée et mis de côté. J'ai pas la cote avec le contrôle Balog. Il creuse la différence, je le ressens. Mon niveau pas droit et maladroit. Autant n'importe le vent qui mène à danse, qui dérange, qui s'arrange. Éducation différente, différence pour une situation, mais pas une chance. Tu te prénommes Steve, tu es d'origine anglaise. Facile pour toi de parler anglais. Ok, merci, au revoir. L'anglais en France, panoplie d'outils, j'oublie de suite. Ensuite, je suis pas là, papa, c'est une blague, merci. C'est des tracteurs qui croient avoir tout sur l'anglais comme une obligation formelle. Quelle est belle cette vie-là. Oh non, navré, j'utilise tous mes outils Windows en anglais, mais bien sûr l'artiste. Oh navré pour les étudiants à l'école nationale. Nouveau décret, parler et utiliser les ordinateurs en anglais en classe. Parmi les étrangers avec la suite office, la suite et une suite officielle. Tu te prénommes Steve, tu es d'origine anglaise. Facile pour toi de parler anglais, ok merci, au revoir. L'AFPA toujours là pour le me le rappeler. Ils veulent mon niveau 2 en anglais, ils sont zinzin. Le raisin tient le bien. Bien parce que fais-toi une raison, ils sont gonflés. Je trace le chemin, bouquet en main, toujours à la page 300E. Je me suis simplifié les démarches, j'ai officiel, officiel. Comme devenir développeur, j'ai pas peur. Tout a été stoppé pour manque de chance. Ils sont différents, ils se différencient. J'ai pas la force en moi, faut faire un effort pour une deuxième fois. Il faut aller loin en métropole pour pouvoir étudier. C'est pas assez cher, je recherche heures et réseaux pour travailler. C'est tout ce que je te souhaite. Mac Music.